Un jour, pas tout à fait comme les autres. Le jeune héritier des Farah Maryam s'est accidentellement fait salir par une femme de ménage dans le hall de l'hôtel qu'il quittait. Et quand ses majordomes ont voulu intervenir, il s'opposa. Le jeune héritier et la femme de ménage échangèrent de regards. Il découvrit la beauté qui se cache sous l'uniforme de la demoiselle après cet incident. L'héritier des Farah Maryam va-t-il résister à la beauté de la femme de ménage? Yes, I'm a fool.